à la suite des éliminatoires du deuxième groupe pour la Coupe d'Asie féminine de la Confédération asiatique de football 2018 prévue en avril à Pyongyang. Les matchs éliminatoires du 7e groupe du championnat de moins de 23 ans de la Confédération asiatique de football 2018 se tiendront pendant 5 jours du 19 au 23 juillet. Selon le résultat du tirage au sort pour la constitution de groupe, le 7e groupe est composé des équipes coréennes, laotiennes, de Taipei et de Hong Kong de Chine. Le premier jour, la Corée, pays hôte, se disputera avec Hong Kong, alors que Taipei avec le Laos.